Chapitre 6e. Restée seule, Madeleine jeta un regard autour d'elle. Il fallait qu'elle reprît le cours des choses en main. Depuis le matin, elle était le jouet des événements et avait horreur de ce genre de situation. Elle se prépara un café et ouvrit la fenêtre qui donnait sur une très étroite cour intérieure, tellement étroite d'ailleurs, qu'on pouvait passer de cette fenêtre à celle qui était perpendiculaire et qui donnait dans l'escalier de l'immeuble voisin. Certes, il fallait être adroit et un peu casse-cou puisqu'on devait marcher pendant un peu plus d'un mètre sur une saillie de la façade. Elle n'avait jamais remarqué ce détail. Il faut dire que la cuisine n'était pas la pièce qu'elle fréquentait le plus. Elle s'assit, les coudes sur la table, et songeuse, tenta de faire le point. Dans son cas, on ne pouvait parler de chagrin. Mais il fallait tout de même passer ce guet de l'état de femme mariée à celui de veuve, sans enfant, et elle le reconnaissait aisément, fortunée. Il fallait désormais qu'elle naviguât entre le repli sur soi et la jouissance sans tabou d'une liberté totale. Elle pouvait maintenant avoir une vie sociale personnelle, donner son temps dans des associations, développer son propre cercle de relations, aller plus souvent au théâtre et aux concerts. Il n'était pas dans son intention de jeter l'argent par les fenêtres, mais elle voulait vivre pour et par l'esprit. Elle ferma les yeux pour trouver en elle la ressource nécessaire à supporter les deux prochaines journées qui seraient des moments pénibles. Elle savait que personne ne pourrait l'aider, surtout pas ses parents, qu'elle devrait supporter en plus du reste. Puis elle ne put faire autrement que de revenir sur la mort de Morel. La cause était entendue et l'affaire classée, mais elle aurait bien voulu savoir, tout de même, comprendre. Que faisait-il dans la cuisine? Quelqu'un avait-il effectivement toqué à la porte? Sans pouvoir entrer puisque Morel s'était flanqué par terre. Alors pourquoi tant de hâte de la part de son époux? Il aurait suffi qu'il criât quelque chose du genre « Voilà, j'arrive !» On l'aurait entendu derrière la porte. Il aurait pu alors s'asseoir posément pour enfiler son pantalon. Au lieu de cela, une précipitation du feu de Dieu et un beau drame au final. Ni Martha ni Marie n'auraient pu se servir de leur clé puisqu'il y en avait une dans la serrure. Aucune des deux ne lui avait d'ailleurs dit qu'elle était venue et avait trouvé porte de bois. De toute façon, Madeleine n'avait rien demandé. Non, vraiment, Morel avait beau être fantasque, il y avait là un point qu'elle ne comprenait pas. Elle regarda l'heure au gros réveil de cuivre qui trônait sur la botte au-dessus de la cuisinière. 7 heures du soir et le jour commençait à décliner. En pensant à Marie, elle se dit que 2 œufs au plat avec un peu de lard ne lui feraient pas de mal. Elle ferma la porte de la cuisine pour éviter des odeurs incongrues et en un tournement, elle eut préparé son repas. Satisfaire sa faim lui apporta la sérénité attendue. Pendant quelques minutes, elle ne pensa plus à rien. Tout en mastiquant, son regard errait tout autour de la pièce. Il y avait un détail qui l'intriguait, mais elle n'aurait pu dire lequel. C'était un sentiment diffus, dont la cause ne parvenait pas jusqu'à la conscience. « Tant pis, » se dit-elle, et elle lava son couvert puis chercha un torchon propre. Au fait, il y en avait dans la corbeille derrière la porte. Elle alla en prendre un qui se trouvait juste sur le dessus de la pile. Soudain, en essuyant son verre, elle faillit le casser de saisissement. Elle regarda la corbeille comme si elle était frappée d'hébétude. Elle venait de trouver ce qui n'allait pas. Lorsque vendredi, en début de matinée, elle avait été prendre l'appâtage pour Marseille, la corbeille ne se trouvait pas derrière la porte, elle en était certaine. Martha n'avait pu la porter dans la journée du samedi puisqu'elle ne travaillait pas. C'est donc dans la journée du vendredi que Martha l'avait déposée. La mort de Morel remontait à 24 heures, d'après le docteur, donc dans la fin de la matinée du vendredi. Pourtant, il n'y avait que son mari qui avait pu fermer la porte en laissant la clé dedans. Martha était donc nécessairement passée avant l'accident. Avait-elle vu son mari? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? « Bof, » se dit-elle, « je comprendrai plus tard. » Tout ceci n'était plus très clair dans son esprit. Vu l'heure, elle espéra que personne n'aurait le mauvais goût de faire une visite maintenant. Elle décida donc de préparer sa nuit, en espérant qu'elle lui apporterait la solution de ce problème. L'obscurité baignait maintenant le quartier, mis à part le chiche éclairage de 2 lanternes le long de la halle au grain. Elle commença par ouvrir les fenêtres de la chambre conjugale pour aérer, puis elle alluma une grosse bougie. non pour veiller le mort à la vérité, mais pour répandre une odeur qui cacherait un peu les autres. Elle ferma la porte de la pièce et se rendit à l'autre bout de l'appartement. Le sofa du salon, trop court, n'était pas assez confortable. En revanche, le bureau était doté d'un rat d'acier rembourré de 2 mètres de long qui offrait un bien meilleur couchage. Elle fit juste un brin de toilette, se munit d'une couverture et s'allongea. Pendant 5 bonnes minutes, son esprit vagabonda sans idée précise, puis, au fond de son inconscient, la corbeille de linge propre réapparut dans son esprit. La question était maintenant, Martha a-t-elle vu Morel ou non? Quand Madeleine était partie, son mari dormait encore. Il ne devait pas être levé quand Martha était venue, et peut-être ne savait-elle même pas que Morel était dans la maison. Si tel était le cas, pourquoi ne pas avoir rangé la cuisine, comme elle en avait l'habitude le matin? Elle devait être pressée, voilà la vraie raison. N'empêche que Morel avait bien dû se lever pour fermer la porte à clé, en la laissant dans la serrure. Alors, pourquoi était-il toujours en chemise, les fesses à l'air, après de midi? Elle s'endormit sur cette pensée et ne se réveilla que vers 6 heures du matin. Elle alla dans la chambre, non pour voir si son mari s'était levé, s'amusa-t-elle à penser, mais pour voir dans quel état physique et olfactif il était. Tout allait à peu près bien. Elle ferma les volets et s'aperçut que d'en bas, une vieille dardait ses regards avec un étonnement doublé de réprobation. « Eh ben, avait-elle l'air de dire, c'est maintenant que tu fermes tes fenêtres pour le deuil ?» Ce regard eut pour effet d'enflammer l'humeur de Madeleine. « Et quoi? Qu'a-t-on à me reprocher? N'ai-je pas promené mes cornes avec humilité et abnégation dans les salons de toute la ville? Combien de vexations ai-je supporté de la part de ces pins beiges enguirlandés comme des arbres de Noël qui me présentaient avec condescendance leur mari, le valeureux capitaine de dragon, celui-ci le dandy du barreau, celui-là le célèbre magistrat machin-truc? Combien de couleuvres m'a-t-il fallu avaler? Combien de fois ai-je repoussé les avances de tous ceux, jeunes ou vieux, qui voulaient à toute force m'apprendre les vrais amours? » Avec la réaction de cette vieille, Madeleine comprit également que le quartier devait maintenant savoir la nouvelle, ainsi que tout le bourg Saint-Sauveur. Oh, l'âme de Morel envolée d'un coup de mistral ne passionna pas l'opinion. Non, ce n'était pas une nouvelle, ça. Ce qu'on aimait, c'était celle qui vous faisait rentrer plus tôt chez vous à la nuit tombée, en marchant plus vite dans les rues sombres, les fesses serrées. Une vieille égorgée devant sa porte, une famille de paysans massacrés dans sa ferme par des chauffeurs, un meunier broyé dans son moulin, ça, oui, c'était des nouvelles, des vraies. L'homme, contrairement aux autres animaux, aime avoir peur, c'est dans sa nature. Un boutiquier qui se casse la gueule dans sa cuisine, et de plus en chemise, ce n'est même pas un fait divers, tout au plus un chien écrasé. C'est un drame de la bêtise, pitoyable. Sans qu'elle en eût vraiment conscience, Madeleine était atteinte par le ridicule de la situation, et ceci ajoutait encore à sa colère. Même sa mort m'aura ridiculisée.